Chapelle, 42-160. Chameuf, Batch, Futurine. On dit quoi? Pour ma pledge plane, ici tous sur le même jeu de dames. Ceux qui nous décident, nous déciment, ils nous poussent dans les flammes. Moi je veux la cible, et puis d'un passé pâle, la marre de subir le racisme. Il est le moment de tirer l'alarme, depuis trop petit je rame. Pourtant, investigateurs et hâte, ils ont mis le train de vie en panne. Hip-hop street, j'allais pour tabasser le beat, le fit. Mon son c'est la fête, one love, photo, faut qu'on rampe le fric. Coup de cric, y'a la clique, elles sont de cruise. Trop mignon, trop profond, encore plus que la cric. La street, sur son de batterie, si je barille comme Larry ou Barry. Hip-hop street, la chapelle, I have a dream. Je veux vivre, oui mais lui. Encore plus que la cric, la street, sur son de batterie, si je barille comme Larry ou Barry. Avec l'Ota Flary, c'est ma poli, ma poésie, mon avis, ici synthé. Ça les coups de planter, on n'est pas enchanté, mais l'écouté te rencontrer. Donc évite de chercher, trop de marché sur nos plates-bandes, le marché n'aura. C'est du lourd, Chavez. Ok, on dit quoi? Je maîtrise les micros, pour moi putain d'escroc. C'est la clip de retour, la dream team, on est hal. T'inquiète gros, ça va le faire pour l'équipe, on est chaud sur les rues. Fais pas le choix, un coup, point, tête KO. Dans mon bloc, pas de boucade, tu te balances un gros de canap. On voit ça, ça bédave, avec boobs, la crapule. Ou missile volontaire, dans ma tête de PM. Des gros jeux, des gros flingues, j'ai gros, j'ai une grosse chaîne. C'est 4-2, on représente jusqu'à la moi. Dédicace à tout le strap, hein. Kairo S, ok, guess. Aiko, Mixo, Dumas, Midjimé, Abdera la prod, si, si, c'est la famille Chavez, hein. Pour ma pledge plane, ici tous sur le même jeu de dames. Ceux qui nous décident, nous décident, nous poussent dans les flammes. Moi je veux la cible, et puis d'un passé pâle, la marre de subir le racisme. Il est le moment de tirer l'alarme, depuis trop petit je rame. Pourtant, investigateurs et âmes, ils ont mis le train de vie en panne. Chavez, Bach. Thank you.